man ci lool la déggé lim doon wax mom mais nekul né damay ñew def ko tay ko dindi ki di réparer lenen bëgg gina paraître ki plus beau non yoy mom waxuñu ko non yoy waxuñu ko xam nga nit dina am bëñum bu dam bo xamné géné wu légui bu jéké né mom légui xam nga kon ko moy man nako sax baña soxla mu né mom légui nako def nonu ko kenn du ko né mi nga def dafa haram mais waxuñu nit ki ñew di dag yeen ni diko remplacer ki non non lool mom kenn waxu ko moy waxuñu lool wallahu ta'ala mon na ben la question bu yi xawa jégué lolu mais ci wallo par exemple ben nit bi nga xamantene dafa fièvre am problème au rein légui xam nga rein ñaar lañ ci am dégguñu wa damay la question par rapport ak nit bo fièvre am problème au rein ñaari rein bi marché wul légi mu am ben mbokam bu ko meuna jox ben té mom du ko yakal dara est-ce que problème nécessité bi nga xamantene ki am nako ndax meuna ci dé té ki lool du ko téré mu dé est-ce que lool luñu meuna def lo wopp alhamdullilah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala lool do li question la bo xamné en tout cas gis na ne wax yu bari am na ci ba jere jofa mais li gina deugar inshallah te gëna woor ta dal yi di gina wané lool en tout cas d'après man yi ma gis ak tontu yi ma gis yeb borom xam xam yi ci wax su xam nga yi ni yu bess la ay question la yo xamné moy bo demé ci téré salaf yi doono ko ci fekk moy an nawazil yo xamné lay jéki xew mais li yi nga xamné en tout cas man ni ma ci réponse yi ma ci dégg yi ma ci gina doy moy né mbir mi dañ na la wax lu dox ak ñom seeni lenn ci seeni dalil moy né lolu man da nek man da nek lu dox man la nek non manu la nek man da nek manu manu ta nek wa manu ta nek ak man da nek yoy lu wala wa wala dañuy waxe non lu tax ñu wax lool moy ne leg yow necessité bi nga wax moy likoy tontu moy nekkun ci necessité même bu ne ci necessité ki ko wara jox mbir mi mom leneen dako mom leneen benen atté mo taxaw ci kanam moy liñ doon wax sank ci waji nga xamné dafa am ndam wor waru ko mom ki nak moy ne mbir mi ci bopam yaramam dako mom xam nga yaramu dooma dama yalla ko na ay je suis xawma lan de mon corps je fais ce que je veux waxi tiaxan kat yoy ñuy dégg ci radio bi sa su nek télé bi yoy mom ay xawma les femmes sont responsables sont xawma lan de leur corps lu len neex def ak goor ñeek ñepp ci yam les goor sont responsables de leur corps lu len neex def tatoué fi def ben gaynde bu ndaw fi ben golof fi xam nga fi tiaxan yoy moy ne yow sa yaram dang ko momul moy ne yaramu doomu adama yalla ko mo legi nak man luma momul dama ko manula maye ñom ñu ne li tax man da nek ben ngo moy ne ndax man sama rein même médecin buñ mané man ay médecin ne la yow bo mayé sa rein dara néwu ci lolu ñom daño wax liñu fogg rek de toute façon yalla li tax mu défal le deux rein moy lolu nga mëna fonctionner bo démé ba japp né yow ben bi moko dindé dara néwu ci dañ la wax liñu fogg fi am na ñoo xamne dañ ko def après am problème man bok ñima gis ci télé bi ñu wané né ñim ñu mayé ko début bi man na baña grave mais après ay séquelles lay am yu grave sax man na fa ñoy tax ñu jaaré fa dé kon nak adamul milki ya bok moy momuma ko luma momul kon manuma ko braqué manuma ko jaay manuma ko wanter no dar gan lepp ci ya ndax yalla ko mom légui wa greffe deul al cœuru jambour def ko ce ki non yoy yep haram ndax organe waji ta tamit marone waji deena nagn ko djel grawul ndax bari na ñuy dé ñu dé ñoo gën ñi dund ta tamit doomu adama bi yaronbi sallallahu alayhi wasallam dañe won dam benen yaronbi sallallahu alayhi wasallam dañe won dam yahu kuy dund ku dé moy neew bi nga dam yaxam ak nga dam ko muy dund yam ta tamit neew bi le fait que bokku na ndax l'islam di téré ci kaw neew yaronbi sallallahu alayhi wasallam téré ku tok ci kaw fuñu sul nit ci kaw qabru nga tok ndax da koy diisal motax ñuy bañ sax yenn tabax yi nga xamne day dañ koy tek ci kaw ki bi ñukoy téré ndax lool da koy diisal légui yow budé né waji nga dag ko mu dé nga dam ko muy dund ñoyam kon buñu fogné gaay buñu daggé rien wu ñi genn adina ni sax du len metti da len di metti ba kéro ñu ba kép yow ma ñom seen addi seen barzakh yépp non lañuy dundé lolu ci gattal moy yi tax ta lolu mo gina deuguer inshallah ndax ki la ko wax yépp ci ay fogg la ko tek ta par force di nga am problème sax après ta tek ci affaire bi dang ko momul yalla mom ki ta lolu la dogal moy ne mbiri dulli ñi tam dañu wara xamné ndogal ci mbiri la bok moy ne xam nga ay imanu billah wal yawmil akhir lolu dañ koy jangri mais pour appliquer ko dafa melni bu application joté dañ koy fatti nek julli ta ben nat luñu dal lool mom moy li man da nek bu man legi japp na ne kon man sama organisme ni mako beugé lay démé sa suné mais yalla man la nat lool ta am naño xamné loolo gën ci ñom dé yalla dina len tek fébar bo xamné day kafara seeni bakkar yo xamné buñ doon jaamu yalla 100 ans di tulli 100 ans di wor 100 ans maqama biñ ci mëna am wala bakkar yi ñen ci mëna dindil ci le fait que yalla tek len fébar bobu sen jaamu yalla gog manou len ko may wallahu aalam ngane subtilité bi par rapport ak dérèb bi waaw dérèb ni ni manama waaw voilà don de sang waaw don de sang xam nga don de sang ci tiossan mom ci tiossan xam nga sang dafa lan sobe waaw to sobe kenn duko may sobe kenn duko may moy mbir mu sobe wu kenn duko may non kenn duko jaay ke legui lol limi tek moy comme que deret dafa sobe wu kon deret neke maruñu ko maye mais dañ nan la deret fofu dafa am necessité ta xam nga lutax ndax necessité deret moy day renouveler wu waji na joxe nopam set ndax dina togat no bu juddou wala na joxe tankam wala rewam japp ne rein dina saxat du sax alors que deret ci tosan moy dafa haram nit maye doore lol moy ci tosan mais le fait que dafa am necessité nit ñi dañuy dam ay accident wala yoy deret du bari ñak lu bari il faut ñu am ay banque de sang yo xamne moy tax ñu man leena dimbali man leena fajj te comme que deret yi day renouveler wu bobu moy li ma waxon sank daroura gi motax ñu permettre lo xamne li dafa haramone mais ñu permettre ko ngir lool te tamit li dina tax moy day renouveler wu du lo xamne dang koy dag diko joxe su fini alors que organe yi bo ci dag jeexna voilà bandre mais non c'est que problème bi problème serigne bi indi won na ci ben xissa amna xalé buñu defoon greffe son d'organe mais après jikko ju newon ci cour dey ki yeb dafa ñewat waaw lool param yeen xam xal voilà wa jazakallahu khairan ni ci la moy ne moy enfant palestinien bañ jëlon ki wu juif bi keureum def ko jox ko legi mom yi neex juif rek ko neex ben reportage koko nga fokk ne mom mudé gënul won mais mo gënal dié kay nek julit mo gën di dundou nek yéfé même bo dundé 200 ans sans fièvre sans nek maguette mais c'est pas mon mal à dire grave en fait mon djuré ci nek mo haram wala mon djuré ci bayma c'est pareil non mais non lol ken duko def compatible gis na ben reportage ben femme ci allemand avec sa vision ba tout face on doit que nous dis après hein non xam nga ben affaire dafa moy ne rabbi animo yi lepp lo xamne dañ koy def mo len di metti tam lolou l'islam da koy tel motax ñuy doon téré ndiof nopp ki voilà gisoon nañ ko ci hadith yele ma qutin min al bahimati wa hiya fa hiya mayit lepp lo xamne dañ ko dag moy abu hadith abu waqid al layth bu ya defoon ce président mo defoon résumé moy ne lepp lo xamne dañ ko dag ci bayima muy dundu day nek lan min voilà ta tamit lol ben la moy ne kon li nga dagge ci mom après boko dagge ci mom day nek sobe tek ci yow da ngay duggal metti metti tal animo yi te lol l'islam da koy téré xolé rek la salam dane ben femme moy hadith abu hurayra wa radiyallahu anhu mune femme bi dagn ko mom dafa duggu safara nak ben mous bo xamne mom la yoro tak ko tey ko duggal ko fo xamne du joxuko mu lek ta bayyi wuko mu wari débrouiller mu dé pourtant femme bi ci biti lu bax la won da non ki mais safar yone nga xamne mu nga safar ndax lool benen femme bi nga xamne mom ap prostituée la won da non jaay bopam solo mi datam di recevoir goor ñi mais ben jour ci all bi day dox non mar gis ben tien yalla may ko mu gis ben tien mu nan ba paré bim nané paré to gis ben xaj di ñew mais di génné di allé té xaw mu ñëw di yu di ki ha ha ha di ñew mu né ki dé xaj bi ma gis li ma dalo nako dal jël dal lam duggal ko ki tak ko ci outil ndox jox ko yalla né ci loolu ci lako yalla ki mu né fa shakarallahu di bobu fa shakarallahu laha wala fa shakarallaha laha moy né soit yalla gëreum ndaw si prostituée bi ndax ben action bi mu defal xajj bi muy def dox ko lum nan wala xajj bi contane ci mom lim def ñaan yalla mu jéggal ndaw si mu jéggal ko ta pourtant dundam yépp prostituée la lool moy animo yi tamit buñu japp né animo la rek japp di door di tocc seeni bëd di ci dé non ya soxna dame non de sang adam ni nak dessena ko deg de li ngay wax man nak deguma de xawmay mais wala mo am kuy dor talibo wala nga xif savoir si la question à l'époque du boom dans le dernier. Ah ben. Ah. À l'époque, est-ce que la question c'est voilà, voilà. Pour le don de sang. Ah. Est-ce que la question du don de sang s'était posée à l'époque du don d'organes? La question de la première, c'est à savoir si la question du boom d'organes s'était posée à l'époque. Bonne époque là. Époque du boom. Wow. Du coup, si on pouvait s'appeler sur les traditions voilà légui à l'époque mom moy amulo début bi sank waxna né dafa bokku ci masala yi nga xamné dafa xewu dafa bies moy ay maye organe maye sang lolou yagul lolou mom bu maté 2 siècle mom wala 3 waruko djegi moy yagul kon fogg na lool moy première question amul won ta yenen sallallahu alayhi wasallam legui est-ce que comme que amul won naka lañ mëna di sukkandiko ci ay hadith yo xamne comme que ta yoy amul won tax ñu naan li kon daganatu dañ nan la yenen sallallahu alayhi wasallam yalla duko yoni ba adina bi jeex ana bu'ithu ana was'atika hatayn lawhun dañ ma yoni sama digenté al-akhirah ki al-akhirah bi jot comme ni mu def barami ni digenté bi nim djégué moy né l'islam bu ñëwé dafa am gis nga li xew ba adina bi tukki yonentou rasoul xamone nako mais moy jangale mi da am ñu ko don adressé ño xamné l'islam bu ñëwé fondement yi lay jox ay base xam nga manuñu l'islam du def portion affaire bu nek mu ne ci li daga na bu don lolu kamil bi du jeex kon kamil bi fi lay commencer dépasser mali di dem feuy yoy yeb ni war ko ndax lu nek l'islam nak du def lo day ñew ne xam nga sank waxon nañ la te lolu moy baña jaawale règle lolu tamit nu am solo lo ci qawaidul usul yi ak fiqh yi moy xam len ni c'est bien mais xam sen application ak ban ka lay doxé lolou mo guiné jafé légui l'islam lolou lol ngay wax moy né affaire bi amul lol mais dafa am texte yo xamné lol motax qiyas am ci l'islam moy né qiyas moy raisonnement par analogie moy né bu dara amé bu xew xew bu bes amé wala ñu gis lén ñu xol ci sunna alcorane lañu ñëk xol amul ñu xol ci hadith amul ñu xol né borom xam xam yi surtout salafiyé ñoon kenn waxu ci dara légui l'islam dafa ubbi benn porte nga xamné li ëpp ci borom xam xam yi dañ né loolu ci fondement yi ñi utiliser pour tek ki la atté la moy qiyas muy raisonnement par analogie loolu muy tek qiyas moy damay jël day am benn cas bu taxaw bu ñew mais gisuma ci benn texte bu koy téré wala mu nan dagal légui ma xol ci texte yi ma yu ñu am ana lan mo ci niro affaire bi bu dé né dañu gis né par exemple hadith sangam doon wax li né gis nañ né caractéristique yim doon wax ci lolu mo niro li kon dañu koy dañu nan dañuy jël lolu jox ko atté lolu atté lele hadith bob né comme que li la doon wax té li ñom ñoo ñew a ensemble a bi gis nañ né mom amon na mais b bi ensemble b day doora xew mais nak b alcorane waxu ci hadith waxu ci amun ci ben texte ñu xol né kon légui ni ñuy def duñu bayyi rek né a kon xamuñ ci dara débrouillez-vous dedet islam dina débrouillez-vous lool motax borom xam xam am sol bokku na ci légui dañ nan mom day méthode yi ko yalla jox nga xam tamit dañ ciy tek qiyas ci fondement yi dañ ñuy sukkandiku la ko dañ nan ko légui bul def na xolal a ensemble a liko caractériser caractéristique est ce que mok ensemble ben niro nañu wala dit buré dafa xol gis né wa c'est vrai que nak niro nañu bu boba ñu xol nañ yi ñu am yeb yenen ensemble yeb b rek mo ci niro non a rek ci niro b bu bes bi dañ nan kon mom até b budé b dafa daganon dañ nan kon a légui day dagan budé b non a dafa haramon dañ nan kon b dafa haram lolu moy lolu ci usul bi lañ koy gis lolu motax mbir yi motax nga gis par exemple ñi nga xamné awami ak li ëpp ci nit ñu lég lég dañuy ñëw naan la li boone li haram na ñu naan la est ce que alcorane nako wax ta lég lég inna ataynakal bulair sax ñom duñu ko xam mais ndax lam japp nañ ne ndax lu ñëw rek il faut ñom comme que japp nañ alcorane lepp la wax kon mbir mi fan la même hadith sax ñom dañ koy tek feulé ndax néna ñëw hadith gaay ko defaru quoi ndax ko xamul dara mi la légi biñu défé lolou nak moy texte amu ci won mais ñu gis ay hadith yo xamné day téré ku jëlé dara ci nit wala sax ko xamné day tek dara nit mo xam deru nit yaramu nit xam nga hadith abdullah ibn mas'ud bi nek ci muttafaqayn muttafaqun alayh bi mu nan yalla rebbuna bi mi wax nan al ñi yok seen karaw yi ak ki ñi ak ñi defar ay secret ay sacré yalla di jema comme seen bëñ yi dañoo djégé ñoo ñuy fexé out sacré yalla nak sourire bi gina rafet lolu dañ koy xam nga lolu hadith bob da ko don téré ba paré ci hadith bi nabi sallam dañé al ak goor ñi nga xamne dañuy nuru lu jigeen ak jigeen ñi nga xamne dañuy nuru lu goor al mughayyiratu khalqalla ak ñi nga xamne ñom dañuy sopp mindum yalla légui nak ñu né comme ko lool amna lepp lepp ay implant mammaire implant ki yoy yépp kon légui ñoyem ndax la mais day sopp mindum yalla ta tek ci moy légui ñom qiyas bobu lañ def té loolu même zahiri rahmatullah bu ñé ñom qiyas ndax dañ né ñom ño d'accordul ci qiyas même bu dé loolu ndax da ngay gis ay yu bari yu wone qiyas amna yaronte bi sallam waji dafa ñew ne ko man sama soxna kat dafa am dom jo xamne man niruuma moy da bëggone di ngat ne man kon ki mom da soxna si xamna sûrement dafa wara soit xiss mbacc fenen mais du fi man dal takuma legi yaronte bi sallam ne ko legi yow est ce am ngay gilem mu ne am na gilem munako est ce amna ben bu ci am couleur bu wuté sa gilem mi nga war muné waw munako couleur bo fum jogé muné peut-être dafa am mamam bu méron non munako ki peut-être da mamam bu lool bu qiyas lool du raisonnement par analogie c'est la même chose légui dérèb bi ngay wax nécessité Voilà, lima la doon wax fofu moy don de sang xam nga neena la sang xam na ba nga bayiwul xel bi may door commencer ba ñuy wax don de sang moy don de sang ci ciosan dafa haram ndax deret dafa sobe wu ta moy bu genné wa tax ñuy wax moy ne dafa sobe wu ta sobe kenn duko jaay kenn duko may légui moye ci ciosan dafa haram mais bi nga xamantene nak nécessité da ñew xam nga sank yaang mëna nécessité may corps ndax lan motax may sa organe ndax mbir ni yow dang ko momul ta lutax sa ñu permettre ko ndax sa day renouveler wu ta tamit waxuñ ne moy nit ki bu mayé sa wam nekkul ne comme mu amone imaginer 50 litres de sang ci yaramam mayé na ci 2 litres que mom légui doof ko amati que 53 rek ayem xam nga demewul non moy day ñëwaat mais même buñ né mayé sa du pour ku nekk dé dinañ sét est ce que yaw mayé sa bax na ci yaw wala dit bu dé ku gaawu mir am fièvre du mir koku moy c'est sûr que ki dafa am problème dérèn ko kenn du ko nekk ay mayé sa moy né mayé sa dañ ko ubbi ngir lolu ak tamit le fait que dérèn di day renouveler wu lolu tax moy né tosanu may dere dafa haram bo mais comme que day renouveler wu contrairement ak yaram bi nga xamne man bo mayone sama rein bi du renouveler wu manuma tok ben jour xeyni rek amat rein lolou amul mais boudé sa bi man na ñëwaat moy motax gaay sax leg lañu jox la lo fa lek bala nga dem xawma sax ndax lolou dina doy mais dal dinañ ko def mais l'essentiel moy né sa bi dina renouveler wu ci lolu motax ci ka bob imaginer leg bu ron nak daño tok banque de sang yeb fess bu boba nak kon maye sang day delu ci haram bi ndax lan ndax amat soxlaatuñu ko mais banque de sang wu dekk bi fess na nga ñew na damay may non bu boba dañ nan la nak maye sang dafa haram ndax affaire bi dañ la ko daganalon ngir ay condition yu leer yoyu tejje ko nak kon manato ko def lool moy différence entre maye organe ak maye sang ndax sang day renouveler wu alors que organe boko dagge c'est fini voilà légui baxna wallahu a'lam par exemple amna organe am ko ce fois par exemple on est tout près le bel bagage des régénérer ah heure bi waaw ki dé en de deug dé 20h Non, je ne sais pas si tu es dans le domaine. Du coup, les fois, il faut mu ñukoy permettre il faut affaire il leer mu nek ci ay règlement motax ad darura tuqaddaru bi qadariha buñ la né tamit permettre lolo tax mané sans yi buñ démé ba banquier fess légui dañ koy téré nak lan comme que la taxone ni ci ko jeexna day déllu wat yi tamit moy né kenn du ko tek ci c'est possible ndax do mettre vie ou kenn en danger tek ko ci kaw c'est possible surtout bu dé kay yu bari ñuy gis rechute da ci am affaire yi waji ki lolou mom dañu nan lolou man da nek ndax sa bi c'est sûr que waji affaire bi lay renouveler lolou mom ñaari nit ñaar ñom xel togu ñu di ci wérante alors que li bo la médecin yi waxe am nañu nan non non parce que y a des chances wala 50% wala 60% wala 70% yo xamné day yo yu possible yo xamné du réussir boba nak dañ nan la non non lolou dañuy tej buntu bobu ndax tamit kenn du ko buñu ko ubbi won sax ah pi yu ñaké xam nga ñu koy def sax end da ngay gis ay anglais yu am problème rien ñu dem ñu japp ben ku dëkk Bombay wala New Delhi wala ci all bi non ñew rek for ko yobbu pompé ko mu du yëg gaz ko day jékk rek ñu sanni ko ci ben all day yewu yëg côté mi di metti man gis na ko la 2 wané nañ aéroport buñ ubbi won buntu non lay démé moy né yow minute bu nekk surtout ñu pauvre ñi mom trafic d'être humain il a commencé à barrer bien lol wallahu alam xamna kon comme peur bi jégué na ñu yam fofu benen yon wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati